Bienvenue ici au Forum de la SNAP pour rencontrer Stéphane Eicher, dont vous avez vu des vidéos. Et vous voyez qu'il y a du matériel ici aussi, il y a une sono, un chanteur avec une guitare, plus une sono, pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'il va chanter des chansons. Pas que, il est là surtout pour discuter avec vous, pour que vous lui posiez des questions, pour que, je sais pas, vous lui demandiez tout ce que vous avez envie de lui demander. Alors peut-être avant que la première question étant la plus difficile, il va essayer de raconter sa vie, Stéphane Eicher. Il est né en 1960, il est né, vous savez où, à Berne. Berne, c'est la Suisse allemande, c'est la catastrophe pour nous, mais c'est une ville un petit peu catastrophique pour lui aussi. Est-ce que vous dites Berne, c'est super quand on a plus de 60 ans, c'est ça? Certainement. Bonjour. C'est Simon, voilà, bonjour. C'est Simon, une ville très belle. Une ville très belle. Qui marche pas toujours trop fort, merci monsieur. Non, sérieusement, c'est une ville très belle. Et il se passe rien là. On va sortir, c'est... Et je suis sorti pour celui qui n'est pas si belle et il y a plusieurs choses qui se passent là. Et donc vous vivez à Zurich en ce moment. Alors on parle de votre enfant. Ouais, depuis 10 ans. On parle de votre enfance. Vous avez eu votre première maternité à 12 ans. Non, c'est mon père qui a fabriqué un bataille. Je ne me souviens plus que c'est 12 ans. Mais c'est plutôt dans les livres et les musiciens, c'est qu'il y a 12 ans que Elvis a. Le premier cadeau c'était cette guitare, comme ça c'est toujours 12 ans chez Sean Lennon, peut-être chez moi c'est 12 ans avec une boîte à rythme, pourquoi pas, oui j'étais très jeune. Et le premier groupe c'était à l'âge de 17 ans, il s'appelle les Nuts Boys, et dans ce groupe, Stéphane Eicher jouait, non pas de la guitare, non pas de la batterie, non pas de la boîte à rythme, mais de l'aspirateur, oui, de la perceuse, c'est ça? C'est une groupe chaotique, et on a chaotique, bon. J'ai envie de faire la musique avec tout. On a mis des pick-ups de guitare, et des petits micros. Tantôt, on l'a laissé dans le rumeur, le concert. Puis la Chine fait du bruit, quoi. C'était ça. Et ça, vous avez fait un bruit? C'était à Zurich déjà, oui, à peine, c'est pas possible. Et ça marchait bien, ce genre de groupe? Oui, j'ai fait un disque, et c'est un immense succès. Vous êtes intéressé de ce disque? Vous voulez parler un peu de vous? C'est un succès immense ce disque. On a 700 pressés et tous les 700 sont vendus. Ça s'appelait Stéphane Eicher Noise Boys. Et puis il y a eu le premier succès, mais très peu de temps après avec un groupe. C'était déjà un succès pour moi. Ouais. Moi j'ai pensé en 200. On a plus que triplé. Hein. Et puis le vrai succès en fait public, c'est quelques années plus tard avec un groupe qui s'appelle Grand Zone, qui était un groupe que vous avez monté avec votre frère, et un tube qui s'appelait Eisbauer. Eisbauer. Iceberg. Un iceberg, c'est un dernier. Non, oui, c'était le groupe de mon frère Martin, c'était pas mon groupe. Et j'ai joué seulement un peu la guitare et les synthés. J'étais le Noise Boys dedans, j'ai fait le groupe. Et on a loué un studio une fois un après-midi, samedi, après-midi. Et c'était la première fois que j'étais dans un vrai studio. C'était 16 pistes. Et on n'a pas eu la chance d'acheter des bancs de 16 pistes, c'est des bancs comme ça, je pense que je ne sais pas, 400, 800 francs français. Et on a enregistré ce synthé qui est sorti sur un synthé underground, pas plus que TV. Ouais, c'est marrant, pourquoi personne n'a eu et c'est devenu un grand succès. 500 000 45 tours vendus pour un premier 45 tours. Alors, est-ce que ça a eu pour conséquence? Vous avez été connu tout de suite? Est-ce que ça vous a cassé? Ça vous a aidé? Ça, et franchement, ça nous a cassé parce qu'on était un peu héritaire. On ne voulait pas faire des photos, par exemple. On ne voulait pas faire des interviews. On voulait seulement laisser parler notre musique. Mais les médias n'ont pas aimé ça. Comme ça, ils ont commencé à inviter des choses. Ils ont commencé à... Oui, voilà. Me prendre en photo pendant que j'étais pas à l'école encore. J'étais 18. Oui. Et ça quitte le groupe. La bonne chose c'était qu'on a eu argent avec ça. Comme ça j'ai acheté des synthés et des choses comme ça. Je pouvait vivre sans grand travail à côté, ça c'était bien, mais le groupe est expliqué. Et puis après ça, il y a un troisième groupe avec un des filles, le groupe s'appelle Lilliput. Lilliput. C'est un... Vous connaissez Lilliput en arabe ? C'est des petits. Oui, c'était un groupe. Mais j'étais le rôle, j'étais le technicien. Et l'amant de la bassiste. Voilà, c'est tout. Et cette bassiste s'appelle Claude Chiffonnet. C'est un détail, non? Un autre détail, elle écrit beaucoup de chansons pour moi. Pendant le chanson bleue, la service night, silence, même ce matin. Et puis il y a eu la rencontre marquante de votre carrière, toujours la Salochobio, c'est la rencontre avec Martin Hess, qui est devenu votre manager, votre acteur ego, tout ça. Qui est Martin Hess? C'est un manager. C'est un manager avec Sylvie. C'est mon éditeur. C'est un éditeur. Est-ce qu'il est très important? Aussi important que tu dis dans la bio que tu te comportes. Non, c'est quelqu'un qui a fait la bio qui est mieux Martin Hess que Stéphane Hachette. Comme ça, il voulait le signer. Mais moi, j'aime de temps en temps mieux Martin Hess aussi que Stéphane Hachette. Il est plus simple encore. Il est là, quelque part. C'est quelqu'un de rencontre importante. Qu'est-ce qui a déterminé? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Ali Smith. Ouais. Sur scène en Suisse, avec une pompe. Qu'est-ce que c'est la police utilisable? La police, je parle pas plus là-dedans. La police qui a assuré que quand il y a eu des démonstrations, il met il commence à pleurer. Voilà, elle a eu ça sous le piano. Et à la fin, elle a tapé dedans. Elle a dit oui, c'est dangereux, les conseils de l'ordre. C'était pas ça qui m'a poussé, c'était plutôt elle, comme elle a joué la guitare, comme elle a chanté. D'accord. C'est pas du... Je pense que ça, c'était le moment du punk que tout le monde est monté sur scène et ils ont appris deux ou trois cordes et ils pouvaient jouer et moi j'ai dit moi je peux même faire quatre. Je suis un intellectuel sur le punk. Et comme ça je suis monté sur scène. Comme peut-être après je vais encore monter avec les trois mêmes. On dit Stéphane Hachère, rocker européen, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire rocker européen pour vous de Strasbourg? Mitterrand est pas là pour répondre. Non, qu'est-ce que c'est? Hey. Non, qu'est-ce que c'est un rocker européen pour toi? C'est rien pour lui. Quelqu'un a une image d'un rocker européen? Oui, mais je suis quoi? C'est difficile pour eux. Pour moi, c'est la même difficulté. J'ai commencé à chanter un peu. C'est quelqu'un qui réussit dans toute l'Europe. Oui, voilà. Moi j'ai commencé sur le premier disque des champions anglais, français, allemand aussi, allemand. Et à cette époque, les maisons de disques ont dit oh là là, c'est un problème, on peut pas vendre ça. Décide-toi, mon jeune. Mon petit. Bon, j'étais jeune, hein. Et j'ai dit non. Je l'ai écrit comme ça, je le chante comme ça. Et aujourd'hui, quand on regarde dans les Fnac, il dit qu'un disque, Mano Negra, c'est même quatre langages, c'est espagnol, français, anglais, arabe. Il dit qu'un disque, Itamisoko, c'est français, anglais. Je ne sais pas, un disque, c'est un truc. Mais tu vois, c'est la mode maintenant. Je suis un vieux, donc ça. Non, je suis seulement. L'Europe, ça se forme, je pense. Oui, je pense que ça se forme. Regarde maintenant que c'est l'Ouest maintenant de communiquer, de faire quelque chose. Parce qu'à la fin, le continent, l'Allemagne de l'Est, l'Hongarie, la Tchécoslovaquie, c'est plus près de nous que l'Amérique, non? Je trouve. Ouais. Est-ce que tu as envie d'aller chanter dans ces pays-là? Je sais pas. Je vais. Je pense que c'est comme à l'école ici. Je vais. En Iran. Pour la prochaine fois de ma vie, Budapest. Moi je vais à Prague, comme vous voulez venir. Et Berlin l'Est. C'est du tout l'Est de moi. Parce que... Hein? Bon rêve, merci madame, mademoiselle. Oui, j'ai des bons rêves de temps en temps, et ça c'est des bons rêves. C'est en mars, je pense. Ouais. Alors je sais pas de quoi vous avez envie qu'on parle avec Stéphane Eicher, si vous voulez l'entendre uniquement chanter, si vous voulez lui poser des questions, c'est maintenant. C'est quand vous voulez. Ouais. Qui veut parler, qui veut demander quelque chose, vous êtes là pour parler aussi un petit peu. Oui, c'est bien. Attention, un micro. Ouais, c'est à propos du tube Iceberg. Je veux savoir si tu n'as pas été inspiré par Strange Day des Cure. Ça ressemble beaucoup. C'était pas les chansons qui nous a inspirés, mais la son de batterie et la son de ensemble guitare et basse. C'était nouveau quoi, le premier Cure sans titre, c'était quoi? C'était un aspirateur. Ouais, l'aspirateur, le frigo et le lampadaire. Voilà. Et là c'était nouveau. Mais c'était pas seulement ce groupe, il y a eu des Deutsche Amerikanische Freundschaft à cette époque. Il y a eu Squaring Risco dans le synthé, Cabaret Voltaire, il y a eu beaucoup de groupes. Mais le son de la batterie, on est entré dans le studio, c'est ce morceau, on aimerait bien ça. Quand même, le cure, le premier. Ouais. D'accord. Pourquoi? C'est le suivant. Oui, maintenant. C'était une bonne question, en plus. Qui veut demander l'histoire de Philippe Champ? Moi, j'aurais bien aimé. Ça coûte combien? Alors, Philippe Champ, vous êtes éditeur. Voilà, 37 jours. Philippe Jean, c'est 37 jours. Je vois pas des jeunes artistes ici. Ils pensent que moi, peut-être, je peux apporter un rôle dans le prochain film de Philippe Jean. La rencontre avec Philippe Jean, c'est à partir de quoi? C'est à partir des livres, à partir du film, c'est avant? Non, c'est une interview que j'ai lue. Lui, il donne pas bon beaucoup d'interviews. C'est très sympa. Et j'ai lu quelque chose qu'il a parlé de 37 heures le matin. C'était le tube pour lui. Et parce que le tube, les gens ont aussi acheté des autres bouquins qui étaient peut-être pour lui plus importants que ce 37 heures le matin. Que c'est même lui qui l'a dit, c'est une histoire bête, mais bien racontée. Et il a dit, il voit la même chose dans la musique, avec une chanson qui s'appelle Two People in a Room, chantée par la... Ouais. Et j'ai trouvé ça... Oui, intéressant et sympa, parce que je ne connaissais pas avant. Et j'ai commencé à lire, et j'ai vraiment adoré ces histoires, même ces histoires quand j'étais en tête. J'ai bien aimé les caractères, j'ai bien aimé le style, comme il a écrit. Et puis, j'ai pas oublié, mais j'ai lu des bouquins, fini. Un jour, c'était un... Vous avez encore du temps pour cette histoire, elle est très longue. Ok, il y a un téléphone qui sonne, je suis dans le studio à Bruxelles, et c'était Antoine Ducorne. Oh. Je vais, après-demain, je vais raconter le son que vous avez fait. J'ai rencontré Antoine Ducorne. Et il voulait faire un rapido spécial Philippe Champ. Oh, wow. Ouais. Et c'était sur Echin, le frère. Et Rapido, c'est quand même un peu de musique de noche. Et Philippe Jean voulait que je chante quelque chose dans l'émission que je voulais rencontrer. Et j'ai pris un avion. J'aime pas les avions, mais quand je prends un avion, ça veut dire que j'aime vraiment faire quelque chose. Et c'est une caméra près de la mer, très agité, et je suis là, il y a la caméra, et il filme comme Philippe Champ vient, et tout ce qu'il a dit c'est « Ah bon, tu es là ?» Et j'ai dit « Ah oui, je suis là !» On a filmé deux jours, on était sympathiques, on a sympathisé. C'est trop compliqué pour moi, mais on a fait ça, c'est pas cochon derrière, hein, voilà. Et je suis rentré à Bruxelles. Et il y a encore une fois le téléphone, la caméra a été cassée. Téléphone. La caméra a été cassée, on doit tout refaire. Quoi. Je suis encore allé à Biarritz, je me suis mis près de la vague agitée. Et j'ai sympathisé avec les vagues. Il est arrivé et tout ce qu'il a dit c'était « Ah, tu es encore là !» Et comme ça, c'est donc une faute dans la technique qui m'a apporté quelque chose de mon bien. On est devenus des amis, j'ai passé mes vacances, mon anniversaire. On l'a dit qu'il est arrivé en 60. 30 ans. 29, 30 ans. Et après un an, on se connaissait. On se connaissait, on a dit, écoute, toi tu es écrivain, moi je suis musicien, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble? Et voilà, quatre chansons. Quatre chansons, dont le dernier tube. C'est déjà un tube, ça. C'est un tube, oui. Oh. Je connaissais la dernière chanson que tu connais faire. Thème, c'est plus rien. Hein. Il veut que je le chante? Je le chante. C'est un effort, hein. Mon cœur fait comme ça. Non, c'est plus facile de jouer devant beaucoup de chants que devant des chants que vous pouvez regarder dans les yeux. Thank you. a une question. Mais tu as une question aussi, je sais. Je le sais, tu as quelque chose là pour faire des notes. Mais tu as une question avant. Hein? Oui, j'ai dit, tu parles fort. Je voulais savoir si tu veux faire être le chouchou des chouchous. Le chouchou des critiques de rock. Est-ce que tu prends ça comme un avantage ou un désavantage? Des avantages. Encore les questions? Elle réfléchit maintenant. Non. Non, ça dépend comme... Non. Non, ce que j'ai vu avec les gens qui peut-être aiment ce que je fais, qui me parlent, ils ont toujours le respect. Et ça c'est très agréable, je veux dire. Parce que je connais des musiciens qui ont une image que le respect c'est quelque chose qui n'est pas là. Mais peut-être c'est aussi la faute d'eux qu'ils ont. Bon, c'est difficile de dire pas de respect au public. Mais ça dépend comment on marche. Ça. Là, par exemple, il y a eu 18 000 personnes. Et à la fin, j'ai eu envie de manger un truc en bas. Quoi, parce que j'ai joué là. Alors, ça sent bien un falafel ou quelque chose. Et les organisateurs étaient là, oui, on a trois gorilles là-bas, et quelques Rambo qui te... Tu sais, et j'ai dit, on peut faire ça, mais là, ça va faire un tumulte, qu'est-ce que c'est? Une émeute. Merci. Une émeute. Mais comme moi, je marche seul, ça va pas faire de problème. Et je suis allé, et les mecs, c'était, oh, lui, il fait vraiment ce qu'il fait, c'est chiant, c'est lui, il faut adorer. C'est comme ça que ça se passe. Et dans la rue, je marche sans maquillage, sans perruque, comme ça, on me reconnaît pas. Oui. Cette physique-là, tu vois. Alors, je répète la question pour les gens qui sont derrière. Est-ce que le physique de Stéphane Hachère joue beaucoup dans son succès? Il ne joue pas un rôle dans ma musique. Et j'espère que quand j'ai du succès, c'est ma musique. Oui. Moi j'ai une... C'est pas... c'est étrange, et quand j'étais pas chanteur, ma physique intéressait personne. Mais quand tu vois quelque chose à la télé qui est plat, qui a des pubs autour, qui a... Je ne sais pas. Tout le monde pensait, maintenant c'est important, maintenant c'est de l'or. Oh, ma faute, la pochette. Non, mais tout le monde pense qu'il y a quelque chose de spécial, mais c'est pas vrai, quoi. C'est là. Oui, autre question. Non, je vais chanter en français, truc suisse. Les chansons suisses allemandes, ça. Il y a les mêmes mélodies dans la musique hongroise. Hongroise. Et je ne sais pas, par exemple, j'ai joué à Brest comme sur eux. Et pendant l'interview, tout le monde a demandé, il faut te comprendre. Oui, j'espère. C'était un des premiers concerts. Et dans Kamsruk, tout le monde a chanté Kamsruk avec moi. J'étais vraiment surpris. Je suis allé après le concert et demandé qu'est-ce que tu as compris. Et les histoires qu'ils m'ont racontées étaient beaucoup mieux que ce que j'ai écrit. Et pour moi, c'est la même chose. La première fois que j'ai entendu Bachon, Gabi ou Bokabi, moi j'ai entendu quelque chose qui était plus poétique, encore plus cochon encore, que lui, il a vraiment chanté. À ce moment, c'est plutôt en France, parce que je sais pas, pour les deux premiers disques, j'ai pas fait des tournées en Allemagne. Je vais peut-être faire un disque totalement en Suisse, hein, non? Qui va pas sortir en France, je pense. Je ne sais pas, peut-être n'importe à la FNAC. Mais jusque maintenant, moi, je me sens. Moi, j'aime bien, tu sais, la voix change. En français, je chante plus haut que l'anglais. Je trouve ça intéressant parce que je n'ai pas compris pourquoi. Ouais. Derrière, oui. tu fais une émission en Europe à Schumannmann. Ouais. Et tu avais dit que peut-être sur cet album-là, tu allais chanter en italien. Oui, c'était prévu. Je voulais toujours travailler avec Paolo Conte, vous connaissez Paolo Conte. Je voulais, mais je suis parié, mon italien n'est pas trop fort, mais je ne veux pas le... Je ne veux pas promettre que je vais chanter Via Comme de Paolo Conte sur scène, mais vous prenez des notes que je vais chanter Via Comme. Peut-être que je le ferai. Ouais. Moi j'ai envie de chanter beaucoup, beaucoup de langages. Parce que le monde, chaque jour, ça devient plus et plus petit, quoi. Moi, j'ai dormi dans un hôtel et j'ai allumé la télé. Et c'était CNN News, America, dans ma chambre déjà, Earthquake San Francisco. Le monde, ça devient plus et plus petit, quoi. Et je trouve que c'est important qu'on peut encore communiquer. Ok. Maintenant, je communique ma façon, je vais chanter quelque chose. C'est une grande première. C'est Danny, un ami qui va jouer la harmonica avec. On n'a jamais fait ça. J'espère que tout va bien. Et Biba Poluna, rime, how rime, Biba Poluna. Ok. This is my place. I'm following my suitcase. This is my home. I don't know where I belong. Don't go the wrong way. Call it a hard way. Cause this is my place. My place. This is my place. My place. This is the wrong way. From Belfast to Bombay, but there's a much longer road. Now that's what I've been to. Who knows the end of this journey? It's a journey between you and me. All your skin away, all my skin away. All your skin away, only my skin away. My skin away. Thank you. Et toi d'ailleurs, viens ici. Viens ici. Je commence pendant le refrain, tu es ici. Hein. L'envoi de mes six, le seul regard. L'envoi de mes six, comme un enfant. Le plaisir facile, les amours de soi. Madame Lucie, combien de temps, si on reste face à face, sans mon gant qui passe, combien de temps, et je vois la cheval, et je suis tout seul. C'était toujours mon école, quoi. Avant que je faisais des disques, j'ai fait des concerts, j'ai tout appris, quoi. j'ai appris le langage français pendant les interviews après les concerts. Et de mes concerts, je me souviens, c'était à Tours, et il y a 8 personnes, 1, 2, 3, ça. Et j'ai entendu l'ordinateur, c'était un Commodore, je peux faire la pub, il n'existe plus, je pense. Et à la fin du concert, j'ai sorti la disquette avec la musique, et j'ai mis la disquette Pac-Man, Space Invaders, et tous les 8 ont encore joué. Tous les 8. Et ça, c'est quelque chose que... Oui, c'est... Quand je resterai... Non, pour le temps. J'étais resté. Quand j'étais resté à Berne, jamais Pac-Man à Tours avec les 8 là. Non, jamais. Qui veut parler avec Stéphane Hacher? Oui, vas-y. Quand tu dis combien de temps quoi, je sais pas, la suspension, mais tu sous-entends quoi? Ça veut dire quoi, clairement, quoi? Non, c'est... Combien de temps, je dis rien, moi, je chante. Tu veux les paroles? Non, mais tu as chanté avant. Non, mais c'est pas les paroles. Mais non, je vais pas te dire ce que je comprends, quoi. Je veux... C'est rien volé, quoi. Non, parce que tu penses à quelque chose, tu ne vas pas le voler à toi. Tu laisses une pension pour qu'on pense chacun ce qu'on veut. Oui, c'est la raison pourquoi le disque s'appelle My Place. C'est mon endroit, mais venez chez moi quand vous voulez entendre quelque chose de différent. Voilà. Encore une question? J'ai déjà fait des snacks, mais c'est vraiment long aujourd'hui, mais agréablement long. Il y a des choses qui sont agréables en ce moment. Ah ben, profitez-en alors, vous ne lui parlez pas tous les jours. Encore une question? Ouais. Ouais, là. Vas-y. Je suis chanteur de Montréal. C'est nul. C'est nul. Mais tu dois compter en Suisse un peu, c'est... Non, une chose que j'ai regardé une fois la télévision, et c'était l'Europe et la Russie, l'Ouest était en rouge, et l'Autriche en rouge et la Suisse en rouge, jusqu'au milieu de l'Europe, et tout autour c'était bleu avec des étoiles. Et c'était la première image, et puis ça fait clic, et l'Autriche est devenue bleue, tu vois, parce qu'ils sont aussi venus chez vous. Et tout à coup, c'était la Russie avec une île en... avec la Suisse. Et moi, j'ai bien aimé cette image, pour être honnête. Mais c'est un peu pour le regarder. Mais autrement, c'est... Mais les Suisses, c'était toujours comme ça. Hein. C'est difficile pour nos enfants quand ils veulent travailler à Strasbourg, quand ils veulent... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne. On va voir. Hein. C'est les militaires, contre les militaires. J'essaie de savoir maintenant ce que je vote. Pardon? Mais ça c'est bien, je trouve ça très poétique, non? Poétique. Tu sais, un peuple qui dit plus d'armée. Imagine ça, c'est beau, non? Mais écoute, l'armée suisse. C'est pas utopique, ça. Non, je vais voter contre l'armée, parce que je suis sûr que ça ne va pas marcher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder l'armée. Mais je trouve l'idée bien, quoi. Ça me plaît, cette idée. Qu'est-ce que vous ferez quand vous pouvez dire au revoir à l'armée? Oui, on le garde ou on le garde? Hein? On la garde. Enfin, la paix. C'est la fin. Ah, la paix. Oui, c'est pas sûr. Hein. Les guerres, ça se passe plutôt entre Sony et Colombia et Park et Westwood contre Polygram, Nestlé contre Fnac. Ça, c'est les guerres aujourd'hui, c'est plus là. Je sais pas, est-ce que vous n'avez pas envie de savoir comment vit quelqu'un comme Stéphane Hacher qui fait toute la journée quand il travaille par TV, est-ce qu'il regarde la télé, est-ce que... Je Je regarde la télé, oui. C'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'il a une petite amie? Est-ce qu'il en a deux, trois, quatre? J'ai un petit fils, oui. Mais c'est une erreur de langage, hein? Pas un petit fils. C'est mon histoire. Quoi. Voilà. Non, c'est pas vie privée, mais c'est... Ok. Tout le monde me dit combien d'enfants vous avez, combien des amants. Après, quand tout le monde le dit, je le dis aussi. On peut parler de lecture. Est-ce que tu lis beaucoup? Quel genre de livre que tu lis? Est-ce que c'est que les livres de Jean? Le dernier livre que tu as lu, par exemple, tu as aimé? Le dernier livre, c'est un amant, c'est pas sorti ici, c'est Friedrich Dürrenmatt. Oui? Ah, quand même! Donc un autre temps. Moi j'aime bien les Américains, étrangement, j'aime bien les short stories. Fante par exemple, c'est pas des short stories, mais Jean Fante est très connu chez vous, c'est pas du tout connu en Amérique. Je voulais acheter les premières éditions de Jean Fante et Chong Gu. Oui, il habitait ici dans cette ville. On connaît pas. Ça va changer parce qu'il y a 6 films qui se font. Il y a Raymond Carver, vous pouvez aussi trouver à la FNAC. Après, j'aime vous faire la pub ou des choses comme ça. Harold Brocky, vous pouvez trouver. Il y a des Français. J'ai suivi mon Céline et j'ai bien aimé. Pas bien aimé, on peut quand même aimer Céline. Mais j'ai... Oui, mais j'ai le vu et je me... Comment on dit en français que c'est le style est bon? Je connais pas l'homme, j'ai jamais... C'est une snap avec lui. Je connais lui un peu. Ça c'est difficile. Oui, j'ai entendu de ça. Mais ce bouquin que j'ai dit, ça m'a beaucoup impressionné. Ça veut dire, ça m'a touché un peu ça. Il y a beaucoup de bouquins. Moi j'aime bien lire, oui. Ça, c'est mais tu lis en plus dans la journée, tu lis quoi? Je lis à la fin de la journée, encore 2 ou 3 heures jusqu'à 4 heures du matin, et puis je dors. C'est très intime, maintenant vous savez tout. Ouais. Autre chose? Oui. Pourquoi faire? Parce que... Pourquoi avoir fait une nouvelle version de... Oui, j'ai fait déjà celui mini-alpine, souvenir comme celui que je le refais sur la Terre des Saints. Moi j'aime bien retravailler quoi. J'aime bien de... Je trouve que rien n'est fini, ce qu'on fait dans la vie. Ce qu'on fait dans la vie. Parce que moi je change et comme ça les chansons changent avec moi, autour de moi. Comme ça, les 2 ou 3 morceaux que vous avez vus, c'est différent de ce que j'ai fait celui. Et si la prochaine fois vous tournez, ça va être un peu pire. Moi j'aime bien apprendre des choses et les laisser influencer sur. Il va y avoir une 3e version un jour, une 4e, une 5e. Et ça existe à la peinture. Quelqu'un un thème, il refait. C'est que c'est dans les bouquins, comme j'ai parlé de Raymond Carver, tu peux acheter 3 bouquins, il y a 3 fois la même histoire, mais différemment qui. Ils étaient physiquement Marilyn Monroe. Non, c'est. Quand tu prends une guitare la première fois, tu mets un disque de thème et tu essayes de le jouer. Et là, c'était Dan Morrison. C'était des chants folk rock. Et puis c'est aussi, moi, comme j'ai déjà dit, un Disney se révèle au temps de des Ramones. Parce que j'ai vu ce qu'il peut. Je peux l'essayer quand même. Mais aujourd'hui, c'est. Les leaders, ils sont un peu. Ouais. Que tu écoutes la musique? Qui? Quel groupe, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce que tu t'arrêtes d'acheter des disques encore? Oui, j'achète beaucoup. Moi, j'achète beaucoup de vinyle parce que c'est quelque chose qui va disparaître. Il y a des disques qui vont jamais sortir en CD. Il y a des disques de jazz, des années 50 qui n'ont jamais. J'écoute tellement beaucoup de classiques. Oui, j'écoute beaucoup de classiques parce que je suis intéressé pour les arrangements pour la scène. Pour violon, violoncelle et pianiste. Hein? Ah. Et j'écoute de folk musique, différentes musiques culturelles de partout. J'aime bien la country, la Lovette, Nancy Griffiths, la Ketchum, Tant, Tant, Tant, Guy Clark, Steve Earle, Earl King Jr., etc., etc., c'est peut-être tous ces noms. Oui. Tu parlais de la Mano tout à l'heure, les gars. Oui, j'ai piqué le disque la dernière fois dans ma dernière snap. Oui, c'est une tendance de la musique française à ce moment. Ce que j'ai toujours eu pendant enfant, quand il y a une tendance, je fais « Oh, attention !» Mais il y a une tendance et c'est un bon disque. Mais les tendances, c'est quelque chose qui peut... Premièrement, j'ai pensé « Tendance », ça veut dire « Can dance ». 10 danses. C'est un truc comme ça, quand la danse est finie, c'est une prochaine. Et j'étais dans une radio aujourd'hui, et vous me demandez ce que je veux écouter. Je dis oui, vous avez le disque, vous avez le disque. Et c'était une tristesse, quoi. C'était vraiment une tristesse. Vous voulez savoir ce que j'ai joué? Madonna et Johnny Holiday. C'était le meilleur disque de tout. Ouais, c'est... Non, c'était gentil et tout, quoi. Et je comprends bien les radios. C'est ces radios qui ont toujours eu en fait les choses. Maintenant, vous savez laquelle. Est-ce que tu penses que tu as été une sorte de locomotive pour le rock suisse? Deux groupes? Non. Non. Non. Est-ce qu'il y a un groupe de rock en Suisse? Il y a d'autres. Non. Je crois. Je ne sais pas. C'est pas une locomotive. Hein. Non, mais t'as aidé à pousser des jeunes groupes qui se sont dit, bon, il y a peut-être pas des chefs qui sont ici, alors pourquoi pas nous? Ah voilà, là oui. Est-ce que tu donnes un coup de main à d'autres groupes, soit que tu les aides ou viens te demander des conseils ou, tu vois, oui. De ton côté, tu les laisses faire Non, non, ouais. Tu connais les gens, quoi, quand tu peux... Il y a là où vous voulez changer la maison de disque, et j'ai dit, moi j'ai une maison de disque que j'aime bien, pourquoi vous ne venez pas? Et ils sont venus, des choses comme ça. Et oui, oui. Mais il y a par exemple une histoire des premières parties. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, je peux faire la première partie. Et je dois dire non, parce qu'ils n'ont pas de chance. Hein. C'est dur la première partie. Tu ne donnes pas de lumière, tu donnes un son comme moi, j'ai un son à ce moment. Oui, voilà, merci. C'est gentil. C'est difficile à aider quelqu'un. Oui. Lorsque ton avant-dernier album est sorti, tu as dit que tu savais ce que tu allais faire. Est-ce que tu as dit Pardon? Tu as dit que tu savais ce que tu allais faire maintenant. Donc j'allais savoir. Tu disais qu'auparavant, tu n'étais pas rentré très bien. Alors je voulais savoir ce que tu as découvert, justement. Ce que tu veux faire. Avec chaque disque, tu apprends quelque chose. C'est difficile à répondre à ça. Je me souviens pas que j'ai dit. Peut-être que j'ai dit ça, j'ai pas de beaucoup. Hein. Mais je me souviens pas. Ouais. Le problème avec les disques, c'est que ce que tu apprends, tu l'apprends quand tu sors du studio, quand le disque est fini. Tu sais, ah, maintenant je le sais. Peut-être ça, c'est la raison. Ce que j'ai appris avec silence, tu entends sur le MyPlace. Et ce que j'ai appris maintenant, tu vas entendre sur le prochain. C'est un peu triste, oui. Est-ce que tu sens le tournant des comptes? Non, mais j'attends chaque matin, je me réveille et je vais vite à la miroir, je regarde. Ah non, c'est pas arrivé. Peut-être demain. On a marre maintenant, hein? Encore une chanson? Tu y vas. En février, mais on sait les dates pour Strasbourg. Non, mais c'est en février, deuxième moitié. Hein. Non, non, c'est sûr, parce que j'ai déjà joué la dernière tournée, c'était pas mal, j'ai trouvé. Moi, tu sais. Donc, j'ai chanté au revoir après. Dani, tu chantes, oui, tu chantes et tu joues. C'est un morceau qui s'appelle Life is Bitter. Oh là là, c'est trop de reverb, monsieur. Life is Bitter, ça veut dire la vie est amère. Encore une chanson de Stéphane Hachet comme ça. Mais il y a la deuxième phrase, Kiss the Peace aussi. Un baiser. Qu'est-ce que c'est, Kiss the Peace aussi? Voilà. When I grew up, I was back by the twins, looking at them all day. Get on my way of never coming back, and I knew then one day I will follow the strikes of the spirit. A kiss could be so sweet. I've got a chat with some eyes for the school I never meet. Like the spirit. A kiss could be so sweet. I've got a chat with some eyes for the school I never met. Thank you. staring into the mirror, and it left them pretty pictures. Feeling 10 years older now, and 50 bucks richer. Life is hard. Can't buy happiness no matter what you do. Can't get to heaven on a roller skate. Can't take a taxi cab to Timbuktu. Paul was a poor little rich boy. Never had to cry. Whenever he complained of aches and pains, the doctors would drop by. Now he goes to the parlor where the prettiest girls in town get paid $500 just to kick him when he's down. Life is hard. Thank you. You get a piece of steak and put some cheese on it, right? Is that it? Is that true? Yeah. The heart doctors must be really raking it in this town, right? Jesus. Philly, yeah, I have another Philly steak. Yeah? Philly pretzels? You should market, you should export the Philly steak to England. We love all that kind of stuff. Lots of grease, you know. Yeah, steak fried up, yeah. Yeah, fry the cheese too, man. Yeah, great. Love it, yeah. Let's have a really good meal. Okay, here's the number everybody shouts for when I got a band with me, and I never do it, and I'm going to do it right now. It's called Hotel Chambermaid. When the lights are low, you know, I'm gonna jump the guard and then come on hard, alright. Yeah. While the river rolling outside the window, gonna see her, gonna get low, gonna shut the bellboy out tonight. When the world is dead, I'm gonna make the bed where that hotel chambermaid. She bring a copy in the morning with a smile. She don't ask me where I come from. I crept in, but I soon be gone. I just wanna hide here for a while. But I'll cushion me in some way. Ain't got no future, at least that's what they say. Well, this girl is gonna take those kind of blues away for a day, yeah. Yeah. Hotel chambermaid. Hotel chambermaid. Room service, can you help me? I want a hotel chambermaid. I didn't pay my bill, but I had my fill, all right. While the river's rolling outside the window, gonna see her, gonna get low, gonna shut the bellboy out tonight. Oh yeah, while the river's rolling outside the window, gonna see her, gonna get low, gonna shut the bellboy out tonight, gonna shut the bellboy out tonight. Hotel Chambermaid de Graham Parker, qui a été choisi par notre invité donc ce soir, Stéphane Eicher, qui, comme je vous l'ai dit, vient essentiellement parler de la sortie de son nouvel album. Oui. On a choisi d'écouter en premier I'm a Star Way Back World Old, c'est le début de l'album. Tu pourras nous parler du début de l'enregistrement. Le début, c'était pas dans un studio, c'était à Lugano, c'est la frontière italienne en Suisse, que j'ai eu la possibilité d'avoir une maison vide. Et c'est, premièrement, j'étais moi seul pour écrire les chansons. Puis il y a Yovo qui a joué avec moi là, dans cette salle derrière moi. On est à Montpellier. Et à la fin, on était, je ne sais pas, 5-6 musiciens. Et le disque était déjà presque fait, quoi. Et puis on est allé dans le studio pour faire la même chose. C'est un peu comme dans un théâtre, tu répètes. Et puis le studio, c'est la scène où ça se passe là. T'as mis beaucoup de temps entre le silence et cet album My Place. Oui, je prends beaucoup de temps parce que je suis assez lent. Oui. Ok, on écoute tout de suite donc le début de l'album. I'm a Story Back World Tour. Je suis une histoire racontée en envers. Tu peux parler un peu de ce morceau plus précisément? Moi, je chante déjà, ça suffit, non? Quoi que je parle. So stupidly complaining with fear. No Story Back World Talk sur l'album My Place, le tout dernier album de Stefan Eicher. Alors là, c'était un morceau en français chanté en anglais. Il y en a 6 sur l'album. Ouais. Il y a aussi 4 morceaux chantés en français. J'ai essayé de chanter en français, oui. C'est peut-être mieux dit. Oui, je chante. Et ces morceaux-là sont signés Philippe Dian. Oui, un écrivain. Oui, un écrivain. Français. C'est le texte, je trouve, qui correspond vraiment avec la musique. On a mesure où c'est un album qui est plus mûr que les précédents. Mais si, monsieur. Non, c'est je me sens aussi plus mûr. Non, mais il est plus acoustique, beaucoup plus profond, quoi. Et en même temps, ça correspond bien avec l'écriture de Dian. Oui. Vous avez travaillé vraiment ensemble ou chacun de votre côté? Non, je dois dire premièrement que ce n'était pas que j'ai téléphoné à lui parce que j'adore Béatrice Tal, le film et les bouquins. J'ai rencontré sur un tournage de télévision, c'est assez étrange. C'était Rapido, qu'Antoine Decaune a fait un spécial sur Philippe Dian, sur la sortie de Échine. Et Antoine a demandé, Philippe, tu veux rencontrer quelqu'un dans la musique que tu voulais toujours rencontrer? Et il a dit Stefan Eicher et je suis allé chez lui. J'ai chanté quelques chansons acoustiques. On a fait cette émission. On est devenus des amis. J'ai passé mes vacances. J'ai le revu après à Paris. Et j'ai passé mon anniversaire chez lui en Amérique, en Boston. Et un jour, on se dit, écoute, moi j'ai fait mon nouveau disque. Toi, tu n'as rien à travailler. C'était les crocodiles, les nouvelles qui étaient sorties. Ils ne voulaient pas attaquer le nouveau roman. Moi, je suis musicien, tu es écrivain, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble? Mais c'est plutôt l'histoire d'une amitié que de se dire, écoute, toi tu es branché, moi je suis branché. Laissez-nous tout brancher. C'était pas ça. Et après, c'était, oui, une chanson comme tout ce qui est bon pour elle est bon pour moi. C'était vraiment comme dans les films. Derrière un piano avec une bouteille, quelques cigarettes, un feuille blanc, quelques idées de moi, quelques idées de lui. Et lui des autres, que j'ai envoyé une idée musicale, il a écrit les paroles. Voilà. Ok. On écoute maintenant quelqu'un que t'aimes beaucoup. Moi j'aime bien sa copine, hein, pour être honnête. Mais lui est pas mal non plus. Rosemary sur l'album Let Love Rule, c'était Kenny Kravitz. Lenny Kravitz, c'est le copain de Lisa Bonet. Ouais. Maintenant, on va retrouver un grand Elvis Presley sur la bande originale du film Mystery Train. Ça m'amène à deux questions. Deux questions. En parlant d'Elvis Presley, les bases, les racines pour toi, c'est quoi? C'est The King, que je peux dire. J'étais en Amérique une fois et tout ce qu'il dit sur Elvis Presley, The King, qu'est-ce que je peux dire plus que The King? C'est le roi. Il y a quelqu'un d'autre à côté d'Elvis Presley pour toi? Priscilla Presley, oui. Lisa Bonet Presley. Ok. Bon, Mystery Train, c'est un film. Le cinéma, c'est... J'ai pas vu, ça te branche? Le cinéma, plutôt les films que le cinéma. Le cinéma ne me branche pas, mais les films, oui. C'est une différence, je trouve. Le rôle d'acteur dans les clips? Comment? Tu connais un peu le rôle d'acteur dans les clips? Comment je connais les rôles d'acteur dans les clips? Bah ouais, tu joues dans des clips quand même. Ah oui, mais je suis très... Ouais, t'es je pas suis si très mauvais, ça. Quoi. Non, mais j'essaie toujours d'être... Rester si mauvais, parce que je trouve ça très... Je sais pas. Moi, j'aime bien me regarder comme il est vraiment mal à l'aise dans les clips. Tu as vu le nouveau... Non, le tout nouveau, tu as pas vu. Non. Parce que c'est sorti en Allemagne. Et là, je joue vraiment comme un chou-fleur. Je suis un acteur chou-fleur. J'ai au moins l'excuse de pas l'avoir vu. Non, c'est sorti en Allemagne. The King, qu'est-ce que je peux dire, c'est The King. Bon, avant de se séparer, on va écouter les Bodins et puis j'aimerais bien que tu nous parles aussi de la prochaine fois qu'on te verra, c'est-à-dire quand tu seras sur scène. En mars, oui, je reviens avec violon, ma batteuse, ma batteur, comment on dit en français, il n'existe pas, c'est une fille qui joue la batterie, et Yovo, mon bassiste, et en plus un violoncelle, une fille. Une violoniste, une fille. Peut-être un pianiste. Bon, j'y trouve pas de fille. Oui. On va revenir en 6 cette fois. Ouais. En mars, je vais être ici. Ok. Ouais. Au revoir. Bah, au revoir. Rendez-vous en mars. Ciao. Thank you. la table, les cigarettes s'éteignent, je permets au désespoir de prendre place, de prendre place. Quand tu passes ces nuits, la peur s'enfuit, elle laisse la place au courage, à l'espoir. Le matin n'atteindra jamais la couleur de tes cheveux. Je suis confus, mais c'est tout seul que je dis-moi, dis-moi, y aura-t-il de l'amour au matin? Ces nuits, le soleil sautait le sommet, loin de soleil. Le matin n'atteindra jamais la couleur de ta peau. Viens revoir mes touchants sur mes épaules. Dis-moi, dis-moi, y aura-t-il de l'amour au matin? Mieux que cheveux dans cheveux, rien n'est plus beau que beau suppos. On se tient jusqu'à la douleur, jusqu'à le bonheur ne nous fait plus peur. Je suis confus, mais c'est tout ce que je veux. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, y aura-t-il de l'amour au matin? Stéphane Escher avec nous ici au Square, tu viens nous rejoindre. Installez-vous près de Diane Tell, c'est déjà un privilège, un avantage. Stéphane Escher, c'est une émission internationale ce soir, mon cher Vidré. Il y a le Québec avec Diane Tell, le Canada, la Suisse avec Stéphane Escher. On a eu l'occasion de se rencontrer il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, avec Stéphane en studio. Et c'était une période où pour Stéphane ça éclatait un petit peu dans tous les sens, on en parlait beaucoup et ça se confirme, Varro. Oui, c'était juste avant l'éclatement, c'était juste après un concert à la Nouvelle Ève devant un public de professionnels qui est ressorti de la prestation complètement ébahi, pour ceux qui ne connaissaient pas le premier album de Stéphane Escher. Puis ensuite il y a eu un tube, Two People in a Room, un Olympia, et puis maintenant le Théâtre de la Ville et Bobigny, donc tout va bien. Je veux dire, c'est quand même assez rare quand les artistes de qualité vont à la rencontre du grand public, alors moi je suis ravi, quoi, voilà, ça sert à quelque chose de temps en temps. Bah, merci beaucoup, merci. Il en reste baba. Quand les artistes de qualité vont à la rencontre du grand public. Une belle phrase. Hein. Bah, tu as toujours essayé d'aller à la rencontre du grand public, de toute façon. Hein. Le grand public, le grand public. Oui. Très content avec ce grand public ici. Ici, c'est un petit aperçu tarif réduit de la scène que tu vas aborder au Théâtre de la Ville bientôt. C'est quand exactement, d'ailleurs? À partir du 21 octobre, 22, 23. Oui. Exceptionnel. Oui. Moment important pour Stéphane Escher, ce Théâtre de la Ville. Oui, important parce qu'à Paris, j'ai toujours joué dans un endroit que j'aime bien. La première fois, j'ai joué au bain-douche, dans le vieux bain-douche, avec 50 personnes. C'était très bien cette soirée, j'ai bien aimé. Et puis l'Olympia, c'est une salle magique, non? Ah oui, ah oui, complètement. Spécialement pour un étranger, parce qu'Olympia, c'est Edith Piaf, Jacques Brel, aussi Bob Dylan ou les Stones. Et maintenant, au Théâtre de la Ville, là, il y a aussi un monsieur que j'adore qui a joué dedans, que j'ai vu, et c'est Paolo Conte, ouais. Un chanteur italien, très très fort. Et je suis content maintenant, moi, là. Tu fais les choses un petit peu à l'envers, parce que jusqu'à présent, tu vois, il y a une tradition, souvent un artiste, il faisait le Théâtre de la Ville, ça se passait bien. Et ensuite, tout de suite derrière, s'enchaînait l'Olympia. Toi, tu as commencé par l'Olympia. Que je fasse faire de la ville l'année prochaine. Et maintenant, pollen, c'est bien, non? Et pollen, oui, ouais. C'est important. Je voulais demain, pas... demain avant les Halles, dans le métro, demain. Mais c'est pas parce que tu fais pollen que non, tu feras obligatoirement sabbatier demain. Hein. Je ne peux pas te le promettre. Non, enfin, on ne sait jamais. Ah, tu ne peux pas nous le promettre? Non. Mais on s'en va. Je veux bien lui téléphoner pour lui en parler. Hein. Il va peut-être aller faire un saut au Théâtre de la Ville. Tu vas pas qu'au Théâtre de la Ville. Mais tu sais, excuse-moi, oui. Mais on s'est rencontrés sur une émission de Patrick Sabatier tous les deux. Oui, dans le désert. Bah tu vois, tu fais tout à l'envers. À Warzazat. Oui, quand même, le cadre était très bien, mais on s'est rencontrés sur une émission de Patrick. On a beaucoup parlé sur notre image. Oui. Surtout sur nos chaussures. Oui, tu as changé les chaussures. Oui, j'ai acheté des nouvelles chaussures. Et moi, j'ai aussi fait quelque chose pour ça. T'as mis des chaussettes, moi. Bon, c'est intéressant. Rapprocher la caméra, faites un gros plan. Non, mais il faut comprendre qu'une semaine à Warzazat, entre nous, comme ça, avec on finit par se dire des choses. Tu vois qu'on n'oserait pas se dire autre part que... Tu te sens bien, là. Non, très bien. Si t'as soif, tu... Bonjour. Ça te rappelle, t'as si veux. Stéphane Echer. Two pieces of my heart. You want me tonight? d'autre. Stéphane, si tu veux. Stéphane Eicher qui s'installe donc au Théâtre de la Ville à partir du 20. À partir du 21 au Théâtre de la Ville, un spectacle à ne pas manquer. Stéphane Eicher, un grand autre. Bonjour. Bienvenue ici au forum de la FNAC pour rencontrer Stéphane Eicher. Donc, vous avez...